cette nuit, intenable insomnie, la folie me guette. Je sais ce que je fuis, j'ai suivi ce groupe de filles qui veulent me scier la tête. Au nom d'un dieu sadique, elles me disent tu paieras tes délits, quoi qu'il advienne. Elles semblent si belles, je suis dead. Je joue ma vie dans un village maudit, plein de paillettes. Torture l'esprit quand c'est pas le reste. Sans répit, elle me défie. Je renie la fatale hérésie qui pousse leur délire. J'entends des rires. Je joue ma vie maudit, pleine de paillettes, où l'on perd la vie quand c'est la fête. Je joue ma vie dans un village maudit où le blasphème se paye en liquide rouge comme les fraises. Quand surgit la violence des sacrifices et mionceau nos acquis, découpe une jambe comme un pro et l'offre à Oyashiro. Rena piège mes bento. Seul enfoui dans la mélancolie, je tue mes phobies dans la psychopathie. Je joue ma vie dans un village maudit, plein de païennes, où l'on perd la vie quand c'est la fête. Je joue ma vie dans un village maudit où le blasphème.